« Mon cher monsieur, » dit-elle d'un ton de protection, « je ne me mêle plus de rien depuis longtemps. Ce que je vais faire pour vous, c'est par considération pour mon cher neveu, que j'aime mieux que je n'aimerais mon fils. » Or, le préfet de police, à qui le président du conseil a dit deux mots dans le tuyau de l'oreille, rapport à vous, en conférant avec M. Chapuzot, a pensé que la police ne devait paraître en rien dans une affaire de ce genre-là. L'on a donné carte blanche à mon neveu, mais mon neveu ne sera là-dedans que pour le conseil, il ne doit pas se compromettre. Vous êtes la tante de... Vous y êtes, et j'en suis un peu orgueilleuse, répondit-elle en coupant la parole à l'avocat, car il est mon élève, un élève devenu promptement le maître. Nous avions étudié votre affaire, et nous avons jaugé ça. Donnez-vous 30 000 francs si l'on vous débarrasse de tout ceci. Je vous liquide la chose, et vous ne payez que l'affaire faite. Vous connaissez les personnes. Non, mon cher monsieur, j'attends vos renseignements. On nous a dit, il y a un bonnet de vieillard qui est entre les mains d'une veuve. Cette veuve, de 29 ans, a si bien fait son métier de voleuse qu'elle a 40 000 francs de rente prises à deux pères de famille. Elle est sur le point d'engloutir 80 000 francs de rente en épousant un bonhomme de 61 ans. Elle ruinera toute une honnête famille et donnera cette immense fortune à l'enfant de quelque amant en se débarrassant promptement de son vieux mari. Voilà le problème.